Et salut Radio Diouf, ça va? C'est l'émission des litres de salive. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 qui parle des sorcières, mais en fait aussi de plein d'autres sujets qui sont un petit peu reliés comme ça, comme des fils de fromage tout autour. Voilà. C'est parti. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'épisode 1 sur les sorcières dans les podcasts des litres de salive sur le site de Radio Diou. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire un espèce de petit récap de l'épisode 1. Voilà. Donc, on a des données historiques sur les chasses aux sorcières. C'est un sujet qui a été étudié par de nombreux historiens et historiennes. À partir du 19e siècle, il y a eu des déformations de cette histoire, des inexactitudes assez importantes qui ont été transmises jusqu'au 20e et 21e siècle, en même temps que se développait un usage de la figure de la sorcière comme symbole de meuf rebelle hors norme, etc. Voilà, mais cette figure-là n'est pas exacte historiquement, voilà. Cependant, on peut trouver ça pertinent d'avoir des symboles, un imaginaire qui ne repose pas uniquement sur... de la réalité historique, enfin voilà. Autant c'est pas terrible de propager des inexactitudes, des données fausses, et puis de les interpréter, de s'appuyer dessus pour établir toute une théorie de pourquoi l'oppression, le capitalisme et le sexisme, autant un usage de l'imagination délimitée comme telle pour se faire du bien, se donner de la force, comme on dit, et pour alimenter d'autres possibilités de monde, eh bien ça fait plaisir. Ce soir, on va parler plutôt de la figure de la sorcière que de son histoire. On va parler de son utilisation symbolique, de un peu de ce qu'elle convoque dans l'imaginaire, mais on va faire ça toujours à travers quelques lectures et puis se poser plein de questions auxquelles j'ai pas vraiment de réponse. Hein. Et j'ai l'impression que assez vite on va s'éparpiller un peu joyeusement sur les bords et parler de spiritualité versus symbolisme et utilisation de symboles en général, que ça soit pour du soin ou pour des luttes. Voilà, c'est parti. Ah, mais donc, quand on parle d'imagination et de remise en question des normes, voire de révolution, on peut penser aux littératures de science-fiction et de fantasy, que je ne connais pas hyper bien, mais qui permettent de nous amener dans des univers où les oppressions telles que nous les connaissons n'existent pas. On peut avoir des romans d'une autrice comme Becky Chambers, par exemple, ou un roman très, très connu, Les Dépossédés de Ursula Le Guin, qui ont ce genre d'effet, qui montrent des mondes qui fonctionnent tout à fait différemment et qui n'ont pas du tout des systèmes d'oppression comparables et qui sont pas basés sur le genre, les systèmes d'oppression aussi. Moi, ça me détend un peu de vivre quelques heures dans un autre monde et ça me donne une expérience, même si c'est juste dans ma tête, c'est une expérience comme la fiction peut en procurer avec des émotions et tout ça, et qui va me rappeler que rien n'est figé, que le monde n'a pas toujours été et sera pas toujours comme ça. Oui, alors il peut devenir pire, je sais. Je sais, mais voilà, en gros, la fiction, ça aide à entrevoir des possibilités enviables. Je vais pas développer beaucoup là-dessus, mais voilà, la fiction, ça peut être un appui pour imaginer autre chose et même pour un petit peu le vivre. Et le rapport avec les sorcières, eh ben, c'est que la symbolique autour, elle est intéressante lorsqu'elle permet d'exprimer la remise en question de certaines normes qu'on utilise pour du militantisme, par exemple. La dernière fois, j'avais un petit peu défini mon point de vue, on va dire mon orientation politique, je sais pas. j'avais parlé de matérialisme, dont j'avais donné une définition, et puis j'avais mentionné le queer. Mais le queer, qu'est-ce que c'est ? Alors, nous avons une définition trouvée sur le site de SOS Homophobie que je vais commenter ensuite. Donc, la définition sur SOS Homophobie, c'est queer, mot tiré de l'anglais signifiant étrange et utilisé initialement comme un jure envers les personnes LGBTI. Aujourd'hui, il est revendiqué par les personnes qui ne souhaitent pas se voir définir par les catégories traditionnelles normatives de genre et d'orientation sexuelle. La pensée queer remet ainsi profondément en cause les schémas et normes sociales binaires, homme-femme, homosexuel, hétérosexuel. Alors, oui, tout à fait. Mais mon commentaire, ça va être que queer, c'est un mouvement, c'est pas juste des idées. Et cette définition, elle est pratique pour résumer, mais peut-être c'est un peu trop axé sur une idée d'identité individuelle. Parce que ce mot queer, c'est pas seulement par des individus, mais par des collectifs, par exemple, en vue d'un changement social qui serait un peu plutôt révolutionnaire, qui a rien d'individualiste, qui est associé à d'autres luttes aussi. Et le queer, enfin l'acception plutôt politique de queer, c'est pas de réclamer un droit individuel à une identité de genre hors des normes. C'est plutôt un élan collectif de destruction de ces normes telles qu'elles sont actuellement, partout et pour tous. Enfin, moi, c'est plutôt ce que j'en avais compris. L'utilisation actuelle a l'air très aléatoire selon les personnes qui l'utilisent. On pourra en reparler. Mais bref. Donc, et après, bah oui, on peut se dire queer soi-même. C'est un élément de notre identité aussi. Et le mot sorcière, lui, il a fini par être utilisé comme une insulte, comme queer. Et une insulte qui se détachait de sa définition de base, notamment au moment des procès de la commune, pour qualifier des femmes condamnées pour des violences. Et puis, il a été réapproprié, cette insulte de sorcière, par des mouvements féministes dans un truc de retournement du stigmate un petit peu proche. On va écouter un extrait du bouquin de Michel Zancarini-Fournel, dont on avait lu plein d'extraits la dernière fois, « Sorcières et sorciers », qui parle justement des procès au moment de la commune. Michel Zancarini-Fournel, dans « Sorcières et sorciers, histoire et mythe », dans le chapitre « La construction des mythes, le 19e siècle, un tournant ». Une transgression, prendre les armes pendant la Commune de Paris. Que les femmes portent les armes n'est pas nouveau. On l'a déjà constaté pendant la Révolution française et l'Empire. Mais le fait a toujours été considéré comme transgressif, y compris par le comité de salut public de la commune qui, le 1er mai 1871, interdit aux femmes l'accès du champ de bataille. En décembre 1871, l'arrêt renvoyant Louise Michel devant le Conseil de guerre stipule bien la transgression, considérée comme un crime, qu'a représenté pour une femme le port de l'uniforme et d'armes apparentes. C'est sans doute la raison pour laquelle la présence de femmes sur les barricades a pu être mise en doute ou niée, y compris par des historiens très sérieux. Les armées de la commune comptèrent aussi des soldates, avec des femmes cantinières et ambulancières. Dans le journal officiel de la commune du 11 avril, des citoyennes, notamment Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel, annoncent la création d'une union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Et lance un appel aux citoyennes de Paris en tant que descendantes des femmes de la Grande Révolution. Référence à l'histoire et appel émotionnel destiné aussi à inciter les hommes à se battre. Les trajectoires de ces combattantes montrent comment les pratiques révolutionnaires s'inscrivent dans leur parcours de vie et participent parfois d'une mémoire familiale républicaine, voire révolutionnaire, rejouée en 1871 et dessinant ainsi des générations familiales militantes. Aucune preuve formelle de possession de pétrole n'a pu être apportée à l'égard des 5 femmes accusées pour cette raison devant le Conseil de guerre. Elisabeth Retif, 32 ans, cartonnière. Léontine Suetens, 26 ans, blanchisseuse. Joséphine Marchais, 32 ans, blanchisseuse. Eulalie Papavoine, 24 ans, couturière. Lucie Bauquin, 28 ans, blanchisseuse. Ces femmes sont accusées d'avoir suivi les bataillons, soutenu les fédérés, et s'être distinguée en portant du rouge. Sur 1051 femmes déférées devant les conseils de guerre, il y eut 133 femmes poursuivies pour actes insurrectionnels. Elles sont lourdement condamnées car elles ont contrevenu gravement, selon leurs juges, à leur rôle naturel d'épouse et de mère, forme de réassignation à la sphère privée. C'est dans ce contexte, le contexte de ces procès, que la presse versaillaise se déchaîne dans des articles de presse ou des estampes. Elles ont contrevenu complètement aux normes sociales de genre et sont taxées d'hystériques et de sorcières. Quand on déroule les biographies des accusées, on peut s'apercevoir qu'elles étaient déjà considérées comme déviantes à cause de leur naissance, bâtardes ou abandonnées, de leur situation conjugale, séparées de leur compagnon ou mari, de leur casier judiciaire, plusieurs ayant été arrêtées pour vol de nourriture ou taxées de filles soumises parce qu'elles vivent en concubinage. Condamnées à mort sur des témoignages peu fiables, cette accusée voit leur peine commuée en condamnation à perpétuité. 31 femmes ont été transportées ou déportées, 24 en Nouvelle-Calédonie, 7 en Guyane. Âgées entre 21 et 55 ans, elles sont couturières, blanchisseuses, journalistes. Il y a une institutrice, une fille soumise et une religieuse, Nathalie Lemel. Cette dernière a affronté le conseil de guerre avec fermeté et dignité. Elle a refusé de demander sa grâce et a été déportée en Nouvelle-Calédonie dans le même convoi que Louise Michel, transportée sur le bateau dans des cages. Dans l'iconographie foisonnante qui a suivi la semaine sanglante contre les pétroleuses, ces femmes sont représentées en mégères échevelées et en sorcières. Elles sont aussi africanisées avec des boucles d'oreilles, chapeaux et des traits qui suggèrent une proximité avec les femmes entre guillemets « sauvages », les pétroleuses incarnant guillemets « la sauvagerie politique ». Leur profil sociologique, le déroulement et les débats des procès ressemblent étrangement au portrait des sorcières quelques siècles auparavant. Des tricoteuses et des furies de guillotine de la Révolution française aux hystériques mal baisées du mouvement de libération des femmes du second XXe siècle en passant par les pétroleuses hystériques de la Commune de Paris, certaines femmes qui transgressent les normes sociales et qui ne privilégient pas leur rôle de mère et d'épouse sont dénoncées et poursuivies. Different goddess of the sun, nurse, sinner, virgin, bitch. I am the virgin. Et c'était Kiki Rockwell avec le morceau Burn Your Village. Kiki Rockwell qui joue énormément sur l'esthétique chasse aux sorcières, Salem et compagnie. Et là, ce morceau, il parle de meufs persécutées qui vont se venger, quoi, en gros. Allez, eh bien, voilà, c'est parti pour un autre monde, hein, on va dire ça comme ça. Alors, on va dans un autre monde avec Starhawk. Starhawk, c'est une personne qui est un peu une référence des sorcières contemporaines. Elle est états-unienne, c'est une activiste qui est impliquée, alors notamment dans les luttes écologistes et contre le nucléaire, beaucoup, depuis, je sais pas, 30 ans, très longtemps. On va se demander avec elle comment et pourquoi utiliser la symbolique du masculin et du féminin, avec des exemples de figures symboliques permettant d'exprimer un certain rapport au monde, moment de vie, tout ça. Il va y avoir une lecture d'un extrait, enfin de plusieurs extraits à la suite. Voilà. Et je ne sais pas trop comment. C'est poétique. Voilà, c'est poétique. Et c'est bien perché. Voilà, ça peut être un peu intense. Non, mais voilà, vous allez voir. Allez. Starhawk, rêve l'obscur. Extrait du chapitre 5, Déesses et dieux, le paysage de la culture. Les images, les symboles, les aspects sont des voies d'accès et non des définitions. Il n'y a pas de nature sous-jacente féminine ou masculine. Il y a la réalité de ce dont nous faisons l'expérience dans nos corps qui diffère, dans la différence d'impact que la culture a sur chaque sexe. Et pourtant, nous pouvons créer des visions, nous pouvons apprendre. Et ce que nous apprenons, ce que nous nommons, ce que nous rendons conscient peut être intégré. Les symboles nous disent « regarde cela, apprends de cette chose, deviens cette chose, ouvre un chemin pour que le pouvoir puisse venir en toi ». Et bien que les symboles et les images n'existent pas en dehors de nous qui les percevons, les forces, le pouvoir du dedans sont réels. Mais quand nous parlons de ces pouvoirs, nous signifions pouvoir dans le seul sens d'être capable. Hécate est appelée la déesse des carrefours, c'est-à-dire des choix. Je dois choisir laquelle des laitues arrachées, laquelle laisser. Je manie le terrible pouvoir qu'enfant j'attribuais à ma propre mère, le pouvoir d'anéantir. Je dois choisir ce pouvoir encore et encore, car il n'est pas de choix qui ne supprime d'autres possibilités. En invoquant ce pouvoir au lieu de le fuir, je développe un sens de la maîtrise qui n'est pas fondé sur la négation de la sensation. C'est la maîtrise de l'art qui est fondée sur la sensation, le jeu érotique des matières et des espaces qui me dit que filer, que couper, la limite mise en place par le gardien qui me donne la force, le cadrage qui fait que l'image s'affirme. Choisir, c'est aussi commencer. La mère et la vieille sont presque toujours accompagnées d'un troisième aspect, la jeune fille, qui est la naissance. Le renouveau, qui vient du choix. Invoquer la jeune fille, c'est invoquer le pouvoir du soi émergeant de la terre. La jeune fille est aussi Artémis, la dame des choses sauvages. L'invoquer, c'est réveiller la sauvagerie du soi, les sentiments qui ne seront pas apprivoisés et l'intégrité sur soi qui soutient notre droit à sentir, à être différente, à être qui nous sommes et à marcher dans le chemin où nous marchons. Cette liberté convient à la Vierge comme Artémis est une Vierge. Elle nous convient en tant que complète par nous-mêmes, avec notre propre relation indépendante, avec la mère et la vieille, les forces de vie et de la mort. Artémis vit dans la forêt, dans le monde sauvage. Elle n'est pas limitée par les murs de la ville, et à travers elle, nous pouvons invoquer notre propre pouvoir d'échapper aux murs et aux restrictions de la culture, à la domination de la haine de soi, de sorte que nous soyons liés, non par les règles et les autorités, mais par notre propre expérience de l'équilibre, par les conséquences de nos actions. Sur ce point, la culture intervient pour rendre l'expérience de la petite fille très différente de celle du petit garçon. Car alors que la fille lutte pour émerger de la terre maternelle, pour trouver d'autres personnes à imiter et à qui ressembler, pour devenir une personne vraiment distincte de sa mère, la culture lui rappelle sa similitude essentielle, elle est du même genre. Dans notre culture, le genre est la division de base, la dualité primaire. De mille manières subtiles, la culture décourage la petite fille du plaisir de la maîtrise et récompense sa dépendance. Lorsqu'elle regarde le monde des adultes, elle voit tout le temps que le monde de la maîtrise et la récompense de l'effort appartiennent aux hommes. Mais la culture patriarcale lui fait une promesse séduisante. On s'occupera de toi. Tu peux profiter de cette passivité lascive, de cette dépendance sensuelle, et quand, à ta terreur d'être faible, à ta peur de glisser en arrière, d'être avalé par la terre, pourquoi t'en faire ? Tu deviendras toi-même la terre, une meilleure terre, une terre plus fertile. Tu grandiras dans le royaume magique et puissant de la mer, tu seras la terre elle-même. Bien que les hommes jouent à être des maîtres, ce sera toi qui les soutiendras. Dans la culture patriarcale, la fille n'a pas à se différencier complètement. Elle n'a jamais à apprendre à voir sa mère non comme la terre, mais comme une autre. Elle peut demeurer fluide, indistincte, flottante autour d'un autre, enveloppante et dévorante, prenant la position de la terre plutôt que celle d'un être en soi, percevant les sentiments des autres plutôt que connaissant les siens, s'adaptant aux besoins et aux désirs des autres. Elle devient le soutien qui se fait marcher dessus. Pour le garçon, la culture patriarcale a un tout autre message. Tu es différent, tu es distinct de la terre-mère. Tu es d'un genre différent. Et de plus, tu es supérieur, le monde de la maîtrise et du contrôle, le plaisir qui vient de ta différence, tout cela appartient aux créatures comme toi. Mais le prix est élevé. La promesse de la culture patriarcale au garçon est qu'il peut construire un soi autour du cœur de sa différence d'avec la terre-mère. Un soi dont les plaisirs les plus profonds viennent non pas du doux enveloppement du corps par la chair, de l'âme par le soin, mais de la maîtrise, de la compétence, du contrôle, non souillé par la dépendance et la terreur de l'abandon. Et en même temps, murmure la culture, tu peux posséder une source de ces bons sentiments nourrissants, une créature mère à toi tout seul. Aussi le garçon va-t-il de terreur en terreur, de dépendance en dépendance, car la compétence et la maîtrise peuvent échouer. La construction du sens de soi autour de la différence avec sa mère demande au garçon de se couper l'herbe sous le pied, car un sentiment bien plus profond que les plaisirs de la performance prend sa source dans l'écartèlement envie, peur, désir, terreur de sa relation à sa mère. En fuyant la peur de la mort, il tarira la source de vie. Jamais le garçon ne développera sa propre source de matière mère magique, sa propre source de nourriture du soi. Il sera dépendant de la femme qu'il possédera, comme le petit garçon l'était de sa mère. Il la désirera et sera terrifié par elle, et il y aura toujours un abîme qu'il n'arrivera jamais à franchir, car le cœur de son identité est basé sur sa différence. Il en arrivera à sentir la nature, le monde lui-même, comme la mère, attirante, menaçante, désirable, dangereuse, une manière de sentir qui est inconnue aux femmes. Toujours et encore, de plus en plus, il aura besoin d'affirmer sa fragile maîtrise, son contrôle, son pouvoir sur les autres. Il prendra sa revanche sur le corps de la terre. Voilà. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que Starhawk, elle est plutôt matérialiste parce qu'elle pense avec les structures sociales, les systèmes, les inégalités. Elle est dans le rejet du capitalisme, de l'exploitation de la nature, des personnes, tout ça. Et elle tient compte des oppressions en général. On remarque en parallèle sur la fin du dernier extrait quelque chose sur le différent similaire qui, ça ressemble au truc de la psychanalyse un petit peu, voilà. Donc je sais pas, peut-être c'est un peu le bazar, bref. Donc elle est aussi en opposition avec une vision essentialiste du genre. Alors essentialiste, c'est quand on pense qu'il y a, par exemple, une seule, il y a une nature féminine ou masculine, immuable, voilà, au-delà du social, et qui justifie souvent des catégories de genre strictement séparées et binaires, voilà, pour l'essentialisme. On va revenir dessus, mais donc a priori, elle se différencie aussi du délire féminin sacré, qui est très rattaché à de l'essentialisme présent dans certains écrits ou univers YouTube de sorcellerie, hein, par exemple, et qui s'apparente à des théories du style anthroposophie, j'en reparlerai juste après, je parle de beaucoup de choses. Le féminin sacré. Oui, le féminin sacré. Ah, on n'aime pas ça. En gros, c'est le pouvoir des femmes en tant que femmes, lié à leur essence de féminité, la nature, Gaïa, mon cul, enfin voilà. Et la plupart du temps, c'est problématique. Dans les groupes qui se revendiquent de ça, ou pour les individus qui se revendiquent de ça, parce que c'est rattaché... c'est rattaché aux femmes cis uniquement, ça entretient des clichés sur ce qu'est la féminité et sur quoi repose sa soi-disant puissance. Les clichés, ça va être le soin aux autres, la maternité, la proximité avec la nature, avoir des organes spécifiques aussi. Donc c'est des trucs qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes, voire qui peuvent avoir besoin d'être valorisés, hein, par exemple le fait de savoir donner du soin aux autres, mais que quand même c'est bien quand on peut nous foutre la paix avec le fait que ça soit un truc de meuf et d'être définie par ça quand on est dans cette catégorie, voilà. Dans les nouvelles spiritualités, les croyances New Age rattachées de près ou de loin à l'anthroposophie, Steiner, machin, il y a plusieurs podcasts en référence à ça, des podcasts de méta de choc, même si méta de choc... méga snob des fois, notamment vis-à-vis du féminisme. Mais bon, bref, sa vulgarisation sur le New Age, elle est cool. Mais en gros, ce qu'on peut dire sur l'anthroposophie. Alors, on va parler de son créateur, fondateur, je ne sais pas, Rudolf Steiner, qui, au début du XXe siècle, ce penseur, qui est né dans l'Empire austro-hongrois, nous dit Wikipédia, a fondé un courant spirituel qu'il baptise l'anthroposophie. L'anthroposophie refuse le qualificatif de religion. Elle s'affirme science de l'esprit et défend la rigueur de ses méthodes d'investigation. Cette science se fonde sur un postulat, la nature ultime de la réalité reposerait sur l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, ça a donné tout ce qui est pensée positive, théorie de l'attraction, mais aussi des histoires de soins énergétiques quantiques, là, en mélangeant avec des trucs de spiritualité... D'ailleurs, enfin bref. C'est marrant, quantique. Quantique, c'est comme l'énergie, mais aussi c'est comme les chants à l'église, les quantiques. Le principe, c'est qu'on peut tout créer, guérir, amener à soi, grâce à la force de son esprit, en gros. En fait, c'est un sujet à part, mais je fais à gros traits, quoi. Pour vous donner un exemple de comment ça s'est foutu, ce truc-là, je vais lire un extrait d'un article de 2016 que j'ai trouvé sur le site Plantes et Santé. Très sérieux, ça, Plantes et Santé. À la fois science et philosophie ésotérique incorporant les traditions spirituelles orientales, l'occultisme européen, mais aussi la pensée alchimique de Paracelse, la perception anthroposophique du monde trouve sa traduction dans divers domaines de la vie sociale. Sa vision de la santé découle quant à elle d'une lecture très personnelle et énergétique du corps, dans laquelle les remèdes sont issus des trois règnes de la nature, minéral, végétal et animal. Les plantes y occupent une place centrale dans le rééquilibrage tant physique que psychologique et énergétique de la personne. La médecine anthroposophique choisira pour cette raison une plante pas uniquement en fonction de ses principes actifs, mais aussi en fonction de son caractère et du lien qu'elle entretient avec son environnement, ce qui influencera la manière dont ses principes agissent. Cette approche dite sensible, inspirée de Goethe, prend en compte la forme des feuilles, des inflorescences ou des fruits, la période de floraison, le climat et la terre dans laquelle elle s'épanouit. Ces caractéristiques trouveront des correspondances avec le corps humain et les problématiques de santé qu'il peut rencontrer. La médecine anthroposophique recommande par exemple le citron et le coing dilués pour le traitement de la rhinite allergique et du rhume des foins. La raison ? Alors que la rhinite allergique imite l'explosion centrifuge de la nature au moment du printemps, avec l'éclosion des fleurs, les pollens transportés par le vent, les deux fruits connaissent une logique inverse, s'opposant naturellement à l'inflammation. Le citron s'isole et se protège de son environnement extérieur grâce à sa peau épaisse, rejetant lumière et chaleur et concentrant l'élément liquide et ses principes actifs à l'intérieur. Le coing durcit, quant à lui, l'intérieur de son écorce, sa chair sèche immobilisant les liquides, notamment grâce à ses pépins, pouvant transformer jusqu'à 50 fois leur volume d'eau en mucilage épais. peut-être c'est à cause du mucilage qu'il y a une histoire de soigner le rhume, je sais pas, le mucilage c'est un peu la morve des fruits, non ? Enfin bref, voilà. Donc des logiques symboliques sont derrière les symboles... Ah, c'est trop compliqué ce truc, j'arrive plus moi. Bref, il y a des logiques symboliques derrière tout ça. Et bah en fait, ça pourrait être fun tant qu'on reste dans le domaine de l'imaginaire, d'utiliser des symboles pour parler de la nature, de la vie, tout ça. Mais c'est pas trop le cas ici. On parle d'un courant qui est tout à fait pris au sérieux, même à l'heure actuelle, qui a donné plein d'autres courants. Et qui est plutôt considéré, alors a priori, hein, comme une dérive sectaire, en fait. Mais, enfin voilà, bref, j'arrête avec tout ça. Donc c'était pour situer l'anthroposophie. Mais alors donc, le féminin sacré, qui est l'idée que les femmes ont une sorte d'énergie féminine rattachée à leur être, qui leur donne le pouvoir de... Alors c'est pas clair, mais en tout cas un pouvoir mystérieux et forestier, j'ai l'impression. Souvent rattaché, donc on l'a dit, à des organes génitaux spécifiques, avec présence d'utérus obligatoire par exemple, et rattachant automatiquement au club du féminin sacré, l'utérus. Et comme ça on a des super pouvoirs, comme moi j'aimerais bien faire pousser des champignons. Peut-être, voilà, j'aimerais bien. Comme dans le manga Paillette qui s'appelle La sorcière aux champignons, et qui, lui, il fait un usage tout à fait approprié de la figure de la sorcière. C'est une jeune fille, mais en fait, elle n'est pas du tout jeune. C'est une sorcière très ancienne. Et elle vit seule dans une chaumière au fin fond de la forêt. Sa maison est un gros champignon. Ses meubles sont en champignons, ses fenêtres sont en champignons, tout est en champignons parce qu'elle génère des champignons qui ont divers usages et pouvoirs, mais aussi des pouvoirs de soins et le pouvoir d'absorber les maladies des gens. Parfois, elle se rend au village pour vendre discrètement ses remèdes. C'est une paria et tout le monde a peur d'elle, alors elle doit se cacher parce que s'ils le savaient, les gens ne prendraient pas les remèdes qu'elle fournit et ils mourraient. Alors, pour le bien de tous, elle cache son activité. Elle vit seule dans le mépris général alors qu'en réalité elle fait tout pour sauver les gens. Mais elle ne récolte que crainte, désapprobation, insultes et rejets. Et voilà, ce manga de sorcière est trop mignon. Mais bref, pour en revenir au féminin sacré, eh ben je trouve que c'est un petit peu compliqué quand même d'aller dire à des personnes sexisées que quelque part, tout va bien parce qu'elles ont un pouvoir secret qui annule leur oppression, pouf, comme ça, là. Et oui, parce que leur oppression, c'est pas vraiment une oppression parce que, bah déjà, petit 1, c'est inévitable, immuable, c'est la nature. Donc on reprend cette binarité, séparation fondamentale en la justifiant par un ordre naturel. Et deuxièmement, eh ben en fait, ça, c'est pas vraiment une oppression non plus, il faut pas se plaindre, parce que ça nous rend secrètement supérieurs. Et du coup, il faut bien rester dans la féminité, le rôle dévolu par la soi-disant nature, embrasser sa féminité. Voilà, parce que ben, c'est là qu'on va être puissante, tout ça. Bon, tout ceci étant dit, peut-être un usage symbolique du féminin pas sacré, détaché d'une appartenance à des personnes en particulier et d'une répartition en suivant les pointillés de l'identité de genre attribuée, est possible. Mais peut-être. On peut prendre ce qui est habituellement rattaché au féminin, comme bah, les pratiques de care, par exemple. Donc ces pratiques, c'est plutôt positif et le monde se porterait mieux si c'était partagé entre tous. Quand Starhawk, elle parle de la déesse, elle évoque une figure symbolique qui peut être rattachée, par exemple, au travail de care. Mais c'est un symbole qui n'est pas là uniquement pour les femmes. Il est là pour représenter un truc positif qui est étiqueté féminin dans la culture et qui est possiblement présent en chacune et chacun. Bon, après, baser tout un système symbolique sur le masculin et le féminin, répartir... Des caractéristiques comme ça, même si c'est pas rattaché au genre des vraies personnes, mais que c'est uniquement sous forme de symbole comme elle le fait, bah, je sais pas si ça fonctionne trop, surtout s'il y a pas des figures symboliques d'autres genres ou sans genre. Starhawk, elle rattache pas la puissance de la symbolique féminine aux seules femmes, soit, ok, mais est-ce que ça se différencie suffisamment de cette idée ? Est-ce que maintenir, par exemple, l'idée de force féminine et force masculine, répartir les qualités et caractéristiques entre ces deux pôles, même si on le détache des personnes elles-mêmes, c'est pas un peu conserver la binarité de genre. On garde dans son système de croyance un système de valeurs et d'éléments rattachés à leur représentation de l'un ou l'autre sexe. Le symbolique continue de tourner autour du genre, ne se rattache pas à d'autres systèmes de différenciation et de valeurs. Après, c'est compréhensible d'utiliser ça. Les symboles, ils sont censés permettre de représenter quelque chose de connu, une référence commune à plein de personnes, à des civilisations entières, en fait. Le genre, c'est un élément omniprésent et structurant dans les sociétés, pour les individus. L'utiliser pour ces symboles, c'est plutôt efficace, donc, parce que c'est un référentiel commun actuellement. Je pense qu'on peut dire ça, c'est un référentiel commun, c'est chiant, mais enfin, voilà, pour l'instant. Et l'utiliser en lui enlevant sa répartition rigide entre tel et tel type de corps assigné seulement pour sa valeur symbolique, sans retranscrire une quelconque réalité matérielle et ou biologique, c'est intéressant, c'est plus avancé que ce qui se passe dans, je sais pas moi, partout en fait, dans les institutions françaises par exemple, où il faut être dans une catégorie de genre ou une autre, machin. Mais après, il y a un côté où ça va aussi confirmer que certaines caractéristiques sont masculines et d'autres féminines, qu'on répartit les caractéristiques entre les genres. Même sur un plan purement symbolique, ça me plaît pas de ouf non plus, ça continue de créer le genre, de le fabriquer en l'utilisant comme référence. Même sans rattacher le féminin et le masculin à des individus, bah, dans une culture autant fondée sur la binarité de genre, j'ai l'impression que ça se fait un peu automatiquement. Et prétendre sortir de la binarité tout en continuant d'utiliser l'épaule du masculin et du féminin, des caractéristiques rattachées au féminin ont pour beaucoup besoin de reconnaissance et de valorisation sociale. Donc peut-être que c'est pour ça, en fait, que faire ça, ça a une espèce de succès, quoi. Et que c'est repris autant dans le New Age et dans certains trucs de développement personnel. Je peux dire que certains écrits de Starhawk m'ont parlé parce que ils sont poétiques, parce qu'elle cherche des solutions, parce qu'elle parle de soins, de psychologie, parce que la symbolique autour des sorcières, c'est quelque chose d'attirant, mais aussi parce qu'elle est sorcière, tout en parlant de structures sociales et de rapports sociaux de pouvoir. Qu'elle arrive à faire ce truc de mélanger la poésie du symbolique, de l'imagination et l'analyse sociale pour faire un peu ressentir les trucs, en fait. En relisant des passages, je me dis quand même que tout ceci est un peu flou. J'y vois des choses intéressantes mélangées à d'autres qui ne me parlent pas, que j'appelle autrement. Parfois, dans les principes importants présents dans son ouvrage, on retrouve des trucs qui sont présents en sociologie, mais d'une autre façon. Par exemple, elle parle de deux styles différents de pouvoir, c'est marrant. Donc elle parle du pouvoir sûr versus le pouvoir du dedans. Et c'est un peu autoritarisme versus autodétermination. Pouvoir sûr, pouvoir du dedans. Le pouvoir sûr étant un pouvoir qui contrôle ou impose de façon plus ou moins forcée ou violente. Et le pouvoir du dedans étant une force guidée par sa volonté profonde et juste. Donc ce que décrit Starhawk, ça fait penser, même si ça ne le recouvre pas exactement, à cet antagonisme qu'on retrouve dans la psychologie sociale et les écrits de Hacking Social, par exemple. Le collectif Hacking Social, c'est plus ou moins que deux personnes, je crois, mais bref. Le collectif Hacking Social a produit un ensemble d'écrits, d'analyses, d'études de psychologie sociale sur, par exemple, la personnalité autoritaire, les biais qui poussent à percevoir le monde de telle ou telle façon. Ici, j'avais parlé de la croyance en un monde juste, qui est un biais qui consiste à penser que ce qui arrive de mauvais aux personnes est justifiable par leur comportement et qu'elles sont, par conséquent, responsables. C'est un peu le pendant de l'idée de mérite. Voilà. C'est un peu le même truc. Mais donc, ce qui est un point de vue confortable lorsqu'on ne subit pas soi-même l'injustice et qu'on tire bénéfice de celle faite à d'autres groupes sociaux, bien sûr. Mais donc, dans les écrits de Hacking Social, on trouve le concept de motivation intrinsèque ou extrinsèque. L'une étant une motivation authentique venant de soi et de son élan vers quelque chose, l'autre, la motivation extrinsèque, vient d'un pouvoir subi qui nous pousse à faire des choses pour de mauvaises raisons, par la coercition, mais aussi par juste des pressions sociales, par exemple. Ces catégories de pouvoir, qui sont décrites à la fois par la psychologie sociale et par la sorcière, se ressemblent beaucoup. Et bon, pour finir sur Starhawk, sur une note négative, parce que moi, la pensée positive, bof bof, on peut remarquer que dans d'autres passages, elle fait référence à des croyances spirituelles issues de cultures asiatiques, j'ai l'impression, et elle parle de l'énergie vitale. Et on a vu que c'était présent dans l'anthroposophie aussi, donc je sais pas, voilà. Mais l'énergie, je sais pas où elle en est de tout ça, de l'énergie vitale, mais du coup, il y a quand même une partie de ses écrits et pensées qui sont pas hyper matérialistes ou même juste sociologiques, quoi. Et qui sortent du symbolique pour rentrer dans la croyance spirituelle. Personnellement, ça me semble complètement incohérent de parler en les mélangeant de trucs spirituels. Mais est-ce que ce truc de mélange de spirituel et de sociologique en faisant du flou avec le symbolique, est-ce que ce serait pas justement un mélange souvent rencontré dans certains groupes, milieux potentiellement féministes, par exemple des branches qui vendent des stages de tarot empouvoirant. Hard. Oui. C'était Crypta. Crypta, le groupe Crypta. Avec le morceau From the Ashes. Je vais reprendre sur les histoires de tarot en pouvoir. Hein. Je vais expliquer un petit peu des trucs. Alors, dans une autre vie et une autre ville, une personne professionnelle du tirage de tarot m'a déjà fait une consultation et c'était pas bien. Alors, c'était étrange déjà parce qu'on était amis. Et que tout en étant mon amie, on va mettre des guillemets, elle se plaçait pas comme guide, mais vraiment comme autorité. Et lors du tirage, on sentait que son idée de ma personne transparaissait beaucoup. C'était une idée pas très brillante, parce que cette relation n'était pas très brillante. Et ponctuellement abusive, voilà, sans dire plus. Mais du coup, elle m'a amenée dans des endroits où j'essayais de ne pas aller avec sa lecture. Elle m'a dit des choses sournoisement dévalorisantes sur moi-même. Elle a fait preuve d'une sorte de domination, de manipulation, en forçant la perception qu'elle avait de moi en moi pendant ce charmant moment. Et c'était pas gravissime, hein, mais c'était pas ok, quoi, voilà. Ce qui a posé problème, c'était le fait d'être amie. Mais c'était pas le fait d'être amie. Mais c'était qu'elle se place en surplomb, qu'elle force, qu'elle domine. Et peut-être c'est moins néfaste avec des personnes qu'elle connaît pas et pour qui elle sait moins où appuyer et sur lesquelles elle avait moins de prise. Mais bref, ça m'a questionnée par rapport à des pratiques de soins tarifés. Une chose à laquelle je pensais pas avant ce lointain épisode. Et maintenant, je crois que ça me pose des questions éthiques auxquelles je n'ai absolument pas de réponse, mais j'ai du mal un peu avec l'idée que les personnes n'ayant pas une formation un peu solide en psychologie, ne répondant à aucun contrôle un peu carré, aillent gambader dans mon cerveau en ayant de l'autorité dans leur posture. Alors attention, je ne dis pas que les psychologues et les psychiatres sont, des personnes systématiquement compétentes et merveilleuses, hein, vraiment, non. Surtout, c'est eux qui tiennent pas contre des oppressions systémiques, des rapports de pouvoir structurels et compagnie, quoi, voilà. Mais bref, je crois que ça me parle pas aussi parce que je préfère une version entraide, soins mutuels et compagnie, quand on sort d'une sphère d'autorité médicale classique, on va dire. Et ce truc de business pseudo-féministe autour du tarot, ça peut m'agacer dans beaucoup de contextes et circonstances, mais en fait, moi-même, bah, j'apprécie le tarot en pouvoir, hein, voilà. Parce que donc on avait dit qu'on embrassait ses contradictions et bah, du coup voilà, je vous le dis, bah, j'aime bien le tarot en pouvoir, hein. Mais dans certains contextes et sous certaines conditions, parce que parfois avec des amis qui possèdent des jeux de tarot plus ou moins fantaisistes avec des arcanes pas trop patriarcales des fois, enfin sinon on les bidouille, hein, mais il nous est arrivé de nous faire des tirages plutôt sous la lune pendant des vacances, tiens, et on se faisait des tirages à tour de rôle en commentant à deux la lecture des cartes pour l'autre personne. Et la lecture se discutait, se négociait, c'était pour rire, hein, mais pas uniquement, puisqu'on se faisait confiance pour essayer de trouver du sens à des symboles qui apparaissent sur les cartes, parce qu'on en savait beaucoup sur nos vies mutuelles. On se faisait des vraies lectures, quoi, mais en essayant vraiment d'y voir quelque chose, hein, mais aussi en sachant très bien à quoi nous en tenir quant à l'absence totale pour nous de spiritualité derrière cette pratique. Et alors d'autre part, cette pratique, elle était horizontale. Elle consistait en du soutien mutuel sans figure d'autorité ou de sachante. Et quand on n'était pas en forme, on pouvait seulement recevoir le tirage et pas en faire nous-mêmes. Hein. Et ça faisait du bien. Et les symboles des cartes, ils aidaient à représenter, à mettre des images et puis des mots sur des trucs qui avaient envie de sortir. Et des fois, on racontait seulement des grosses bêtises sur les interprétations. Mais même ces fois-là, le moment vécu, il était de l'ordre du soin et du partage, et bah, ça permettait de développer des trucs d'imagination agréables, quoi. Voilà, allez, vive Gaïa. Voilà, maintenant que j'ai fait mon coming out, hein, de personne du tarot, maintenant, nous allons parler, enfin, le voilà, de Satan. Et nous allons parler du symbolique sans le spirituel. Ayons du fun avec Satan. On va prendre... Alors, par exemple, il y a un mouvement qui utilise des symboles issus de spiritualité, mais pas spirituelle, qui est l'église de Satan. Alors, bon, elle est enregistrée comme une religion non théiste. Non théiste, ça veut dire que ses croyances, elles sont plutôt au niveau de valeurs partagées, mais elles ne sont pas spirituelles. Les personnes, elles ne croient pas en l'existence de Satan, ni en celle de Dieu, mais elles utilisent les symboles qui y sont rattachés pour porter leurs valeurs, la liberté, le libre arbitre, tout ça. Et alors, on a quand même quelque chose de plus récent et de vachement plus politisé que l'église de Satan. Nous avons le temple satanique. Et Wikipédia nous dit que c'est une organisation non théiste de rationalistes, d'humanistes, d'activistes agnostiques ou athées et LGBTQIA. Ils ne croient pas en un Satan surnaturel et utilisent le Satan littéraire comme métaphore pour promouvoir le scepticisme pragmatique, la réciprocité rationnelle, l'autonomie personnelle et la curiosité. La participation de l'organisation aux affaires publiques comprend des actions politiques ainsi que des efforts de lobbying en mettant l'accent sur la dénonciation du privilège religieux, chrétien en particulier, lorsqu'il interfère avec la liberté religieuse personnelle. Comme le groupe considère l'inviolabilité du corps comme une doctrine clé, il considère également toutes les restrictions à l'avortement, y compris les périodes d'attente obligatoires, comme une atteinte au droit des satanistes de pratiquer leur religion. L'imagerie satanique est utilisée comme un symbole représentant l'éternel rebelle contre l'autorité arbitraire et les normes sociales. Le temple satanique a utilisé la satire, les stratagèmes théâtraux, l'humour et les actions en justice dans ses campagnes publiques pour attirer l'attention et inciter les gens à réévaluer leurs craintes et leurs perceptions, et puis pour mettre en évidence l'hypocrisie religieuse et l'empiètement sur la liberté de la religion. Voilà. Du coup, oui, c'est plutôt une bande de rigolos, mais qui font des actions, quoi. Pour donner des exemples d'actions concrètes, donc le temple de Satan a ouvert depuis 2023 une, puis une deuxième clinique pour venir avorter. Ces cliniques, elles permettent d'avorter au tarif le plus bas possible et donnent des aides aux personnes qui ont peu de moyens et qui ont besoin de transport et d'hébergement pour venir avorter, par exemple, depuis un autre état. Donc, leurs cliniques, ce sont des cliniques religieuses d'avortement, voilà, c'est un peu rigolo. L'orga, elle fait valoir ses droits en tant que religion. Du coup, bah, c'est revendiqué comme un droit de respect de leur religion de pouvoir avorter. Elles organisent aussi des campagnes contre les violences éducatives sur les enfants, ont manifesté pour des déboulonnages de statues religieuses dans l'espace public, hein. Dans l'espace public, ils militent pour virer la religion en général des espaces scolaires en créant des clubs satanistes comme alternative aux autres clubs religieux omniprésents dans les écoles aux États-Unis. Du coup, apparemment, il y a des établissements, tu peux aller au club sataniste entre midi et deux après la cantine, quoi. Ça a l'air bien. Mais donc tout ça pour dire que le temple satanique utilise la symbolique liée à Satan pour exprimer des valeurs et soutenir et même générer des luttes. Voilà, allez, j'arrête de vous embêter un petit peu avec Satan. Dans cette émission, il y a des tas de trucs dont je n'ai pas parlé, alors que ça serait vachement pertinent. Comme l'antisémitisme dans les déguisements de sorcières, le faux nez, le chapeau pointu, tout ça. Mais vous pouvez aller regarder une vidéo d'une personne de YouTube qui s'appelle Snappy Dragon, qui est une personne juive qui étudie l'histoire du costume, qui fait plein de vidéos sur l'antisémitisme dans le costume. Et donc, il y en a une sur les déguisements d'Halloween et le déguisement de sorcière. On aurait pu parler aussi d'appropriation culturelle de pratiques comme le vaudou et son esthétique. On aurait pu analyser des personnages de sorcières de production culturelle, comme dans American Horror Story ou Buffy. Et peut-être un jour, on le fera, voilà. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Alors, comme le temple satanique, mais pas exactement de la même façon, utiliser les sorcières comme symbole des luttes féministes, c'est prendre une figure de la culture populaire et l'utiliser pour illustrer, représenter, personnifier des valeurs et des convictions. J'ai l'impression que l'intérêt de donner une image telle à des luttes, au-delà d'apporter du fun, ça aide un peu les gens à comprendre, imaginer, et qu'une figure fictive peut d'autant plus exprimer des trucs qu'elle n'est pas soumise à la réalité, tout en exprimant à peu près les mêmes choses pour beaucoup de personnes, parce qu'elle fait partie de la culture populaire. c'est peut-être plus facile de rassembler, de parler à tous quand on n'existe pas vraiment. Et oui, alors je ne pratique pas seulement le tarot, je fais des rituels et puis je crame des trucs. Et voilà. Et il y a des années, même, j'avais écrit un lexique avec des correspondances symboliques pour mes rituels. Et je vais en partager des petits bouts avec vous, voilà, avant la fin de cette émission. Donc, dans mon lexique de sorcellerie, je dis que les rituels de sorcellerie peuvent être une représentation symbolique de notre propre pouvoir et de notre capacité à agir. Les éléments utilisés peuvent nous aider à représenter des choses difficiles à décrire avec des mots et leur rapport entre elles. Leurs significations peuvent varier selon le contexte. Le rituel peut aider à structurer ses pensées, à avoir un support matériel pour représenter des choses. Et chacune peut construire ses propres symboles. Certains se retrouvent chez beaucoup parce qu'ils sont ancrés dans nos cultures. Par exemple, le truc de brûler des petits papiers sur lesquels on a inscrit des mots. Et dans le lexique, il y avait une partie éléments et une partie actions. Et dans les éléments, par exemple, eh ben, il y avait la signification symbolique d'éléments. Par exemple, les cheveux, eh ben, ça symbolise les choses construites par le temps ou les liens. Les plantes, ça symbolise ce qui est cyclique. L'alcool, ça signifie le lâcher-prise, très original. Les fleurs, ça signifie l'explosion d'énergie. Le sang, ça veut dire la profondeur, la puissance, l'identité. Et les poils, ça veut dire le défi aux normes sociales, la liberté, tout ça. Et dans les actions, eh ben, y avait par exemple enterrer qui symbolise le fait de diffuser dans la terre et de transformer en ressources quelque chose. Brûler qui signifiait le diffuser dans l'atmosphère pour le répandre ou pour le faire disparaître. Enfin, voilà, il y avait plein d'interprétations comme ça, de ce lexique, dans ce lexique. Et oui, c'est marrant, mais c'est rituel en fait. Eh bien, j'en avais fait beaucoup pour m'aider à traverser un deuil vraiment apocalyptique. Et le jeu, la créativité, l'imagination, une forme parfois d'entraide émotionnelle et psychologique quand c'est collectif, dépourvu d'hiérarchie, où personne n'a de rôle de sachante. En fait, tout ce qui fait du bien préserve l'autonomie et apporte de la joie. Je vois pas pourquoi on s'en priverait. Pour conclure, je vous propose d'écouter deux très courts extraits de vidéos YouTube qui sont issus de vidéos dans lesquelles des personnes anciennement dans des croyances New Age et dans la cartomancie, par exemple, ont été ramenées dans le droit chemin par Jésus et parlent de leur expérience. Ou de Satan. Oui, j'avais dit que j'arrêtais, mais enfin, voilà, bref. La première, elle est en train de critiquer le New Age qui prône une forme de réincarnation dans l'extrait que je vais passer. Elle parle de ça, de la réincarnation dans le New Age, et il y a la fin de sa citation. Et la deuxième, elle parle de son abandon de la pratique du tarot grâce à Jésus. On dit bien ici que la réincarnation est une création humaine et ne vient pas de Dieu. C'est une invention humaine. C'est une invention humaine, oui, mais qui vient quand même de Satan. On va rappeler aujourd'hui que le but de Satan est de perdre un maximum d'âmes. Il y a une guéguerre un petit peu entre Satan qui veut prendre la place de Dieu, et comme il n'est pas content, eh ben, il sème la zizanie dans le monde. Donc ça, je vous apprends rien, voyez comment le monde tourne aujourd'hui. Le diable essaiera jusqu'à la fin de vous faire croire que arrêter ce que vous faites est une mauvaise décision. Quand j'ai arrêté la cartomancie et que j'ai jeté mes cartes, les dernières cartes qui ont été coupées ont été les cartes de l'abondance et la carte de la guérison de l'archange Raphaël. Sur le moment, ça m'a fait douter en me disant « Ah, peut-être qu'en arrêtant tout ça, finalement, je suis en train de me condamner à ne pas avoir d'argent dans ma vie et à ne pas avoir la santé. » Et il y avait des voix comme ça qui jouaient avec moi, tout simplement. Mais j'ai quand même tout coupé en me disant « C'est bon, faut que ça s'arrête. » Et voilà. En fait, ces extraits et tout... Il y a vraiment un gros, gros filon de vidéos YouTube de personnes qui reviennent du New Age pour s'orienter vers la religion, les religions chrétiennes, le christianisme en général, quel qu'il soit. Et... voilà, c'est un gros truc, en fait, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un gros truc de l'Internet. Et en fait, je vois un peu un lien entre des normes de féminité assez old school et essentialistes, dans le New Age et aussi dans la religion chrétienne. Et ben voilà, il y a un lien entre ça, le New Age, une forme de conservatisme, de logique réac religieuse. Et je trouve ça intéressant que l'expérience de certaines personnes montre cette forme de porosité entre un peu toutes les spiritualités. Voilà. Et ben je vous laisse. On se retrouve le troisième lundi de janvier à 20h30. Je vous laisse pas toute seule. Je vous laisse avec... Qu'est-ce qu'on met ? Ah oui. Alors, on va mettre un morceau d'un groupe que j'ai passé dans l'émission d'avant, qui s'appelle Witch Club Satan. Et là, je vais passer le morceau Fresh Blood, Fresh Pussy, parce qu'il faut se faire plaisir, quoi. Allez, salut.